La chronique cinéma. Tu deviens complètement con ou quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Mais enfin... Lutin, malin, pestil. Waouh! Je la veux encore! Ça ne doit plus arriver. Ça fait partie des listes de choses qui ne doivent plus arriver. Franchement! Voilà. C'est à moi. Je suis ma reine, la bonne fée. Bon con, bonne conne, chers amis auditeurs, bonjour à tous et bienvenue dans la chronique cinéma d'Hubert Félix Typhon. Alors ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison sur la radio des bons cons. Les chroniques cinéma ont tardé à faire leur grand retour pour cause de polyvalence artistique mêlée d'un soupçon de flemme. N'est pas bon con qui veut. Mais aujourd'hui, comme c'est la Jean-Guille, à fête exceptionnelle, chronique exceptionnelle. Alors au début, je pensais faire une chronique sur le pain au cinéma, mais à part la danse des petits pains de Chaplin dans La Rue vers l'or et les grosses miches que se coupe Gégé dans les films de Blié, j'avais pas d'idée. Du coup, j'ai pensé à l'un des derniers films que j'ai pu voir en salle avant cette deuxième vague de joyeux bordel. Et c'était Drunk, de Thomas Vinterberg. Si vous ne connaissez pas le pitch, le film raconte l'expérience de quatre enseignants danois qui souhaitent mettre en pratique la théorie d'un psychologue norvégien selon laquelle l'homme a besoin d'un taux constant de 0,5 g d'alcool dans le sang pour être totalement bien dans ses baskets. Cette euphorie cinématographique rondement bien menée par le réalisateur de Festen m'a donné des idées de thème, celui de l'alcool au cinéma. Attention, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec deux copines un peu chiantes, parcimonie et modération. Mais aujourd'hui, on a le droit parce qu'aujourd'hui, c'est la Jean-Guille. Alors de l'alcool au cinéma, en veux-tu, en voilà. Véritable élément dramaturgique, il permet à la fois de caractériser des personnages, de mettre en place une situation, et même, certains films y consacrent leur scénario entier, et dans tous les coins du monde. Au Japon, on peut parler de L'Ange ivre d'Akira Kurosawa en 1948, qui raconte l'histoire d'un chirurgien porté sur la bouteille. Côté britannique, on a La part des anges de Ken Loach, dans lequel de petits délinquants sont initiés à l'art du whisky. Chez nous, on peut retrouver un Jean Dujardin alcoolique qui se fait visiter par son cancer, incarné par Dupontel, dans Le bruit des glaçons de Bertrand Blier. Et si on passe en Belgique, Benoît Poelvoorde nous explique la recette du petit Grégory dans C'est arrivé près de chez vous. Alors perso, moi c'est Madame Pascale Gendry qui m'a appris la recette du petit Grégory autour d'un brasero chez les Soulards. Oh yeah! Des personnages qui boivent, ça aussi il y en a. On a tous en tête le geste laconique de notre amie Cersei Lannister qui réclame More wine dans Game of Thrones. Et puis rappelez-vous, même Dumbo se prend une cuite, presque psychédélique avec son petit pote la souris au point de voir des éléphants roses. C'est super ça! Oh oh! Et puis de l'alcool, surtout, il y en a pour tous les goûts. Bière, vin rouge, whisky, cocktail, menthe pastille. Bref, l'alcool et ses déboires sont monnaie courante au cinéma. Personnellement, ce qui m'intéresse, c'est quand c'est euphorisant et intelligent. Alors comme d'habitude, je vous livre un petit top 3 hyper subjectif des représentations éthyliques, idylliques, à l'écran. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. En numéro 1, Husbands de John Cassavetes, sorti en 1970. L'alcool est présent dans la plupart des films du maître de l'improvisation, si ce n'est pas dans tous. Mais dans celui-là, il a la vertu particulière de nous immerger avec ses personnages. Husbands, c'est l'histoire de trois quadragénaires qui perdent brutalement le quatrième larron de la bande et qui vont noyer leur accablement dans un bar pendant toute une nuit. On les suit presque en temps réel, toute la nuit puis le jour qui suit, et on apprend à les connaître à travers cette solide amitié qui les lie, mise à l'épreuve par les événements. Oh yeah! En numéro 2, je vous propose Spring Breakers d'Harmony Korine, sorti en 2013. Difficile de parler d'alcool au cinéma sans évoquer les fameuses soirées américaines adolescentes dans des résidences pavillonnaires bien huppées, gobelets bleus ou rouges, cheerleaders et quarterbacks, qui va pécho qui et tutti quanti. Bien sûr, on pourrait citer Very Bad Trip ou Projet X, mais ces films-là, je m'en carisse. En revanche, il y a bien un film qui vaut le détour, c'est Spring Breakers d'Harmony Korine. Original, il raconte l'histoire de quatre adolescentes qui décident d'aller faire leur Spring Break en Floride. Le Spring Break, c'est une semaine d'études accordée au printemps aux étudiants canadiens et américains, mais en général, ils font autre chose qu'étudier. Du coup, dans le film, l'alcool coule à flot. Les quatre jeunes filles s'improvisent braqueuses en herbe, et un rappeur trafiquant avec des dents en or, campé par James Franco, va les prendre sous son aile. La BO est signée Skrillex, mais clairement je vais surtout vous faire écouter la plus belle scène du film où James Franco reprend Every Time sur un piano rose, parce que oui, dans le film tout est rose et c'est magnifique. An angel, if there ever was one on this earth. Et pour finir, je vous en ai peut-être déjà parlé dans la saison 1 de Radio Boncon, mais rien à fichtre parce que j'adore Belgica de Felix von Groningen, un film qui tient comme lieu de décor un bar, lieu iconique du grand écran puisqu'il donne lieu à beaucoup de scènes importantes. Les personnages s'y retrouvent souvent seuls, avec leurs pensées, ou seuls avec le barman, parfois à deux le temps d'un rencard, parfois à 3, 12 ou 100 fêtards. Belgica, lui, a la particularité d'être tourné quasi en huis clos dans ce bar qui devient salle de concert. Joe, le gérant, désœuvré, va vouloir réaliser ses rêves, mais ce n'est pas sans la flopée de problèmes qui va généralement avec. Une note à la fête, mais aussi à la musique, la BO étant composée par Soul Wax. Bon, voici un extrait. I've got to say what's on my mind today. I've got to think of what the words will say. I've got to do it now without delay. I've got a problem with you, by the way. I've got to get away from how we are. I've got to let you be the one you want. That we've come too far. I've got two options to avoid a war. How long will this go on and on? How long will this go on and on? How long will this?